bon moment de ma vie. Et le temps a passé et tu as oublié comment c'était aimé. Et ce téléphone qui sonne, je n'ose croire qu'il y a personne.